et du bon père Anchi sur les épaules de son fils. Cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Et je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. Mais en effet, si j'avais été femme, je n'aurais pas aimé les jeunes hommes. Oh, je le crois bien. Voilà de belles drogues que des jeunes gens pour les aimer. Ce sont de beaux morveux, de beaux godelureaux pour donner envie de leur peau. Je voudrais bien savoir quel ragoût il y a. Oh, pour moi, je n'en comprends pas. Je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment. Il faut être folle fiévée. Trouver la jeunesse aimable. Et savoir le sang commun. Sont-ce des hommes que de jeunes blondes. Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? Oh, c'est ce que je dis tous les jours, avec leur ton de poule l'été, leurs trois petits brins d'arbre relevés en barbe de chat, leur perruque d'étoupe, leur haute chose tout en vent et leurs estomacs débraillés. Oh, ça est bien bâti. On est auprès d'une personne comme vous. Ah, voilà un homme, cela. Ah, il y a là de quoi satisfaire à la vue. Et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Mais tu me trouves bien? Oh, comment? Vous êtes à ravir, et votre figure est à peindre. Et dis-moi un peu, Marianne, ne m'a-t-elle pas encore vue? N'a-t-elle pas pris garde à moi en passant? Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne, et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que celui serait d'avoir un mari comme vous. Tu as bien fait, et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. Mais... J'ai un procès que je suis sur le point de perdre. Oh. Faute d'un peu d'argent. Ah. Et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelques bontés pour moi. Vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Oh, que vous lui plairez. Et que votre fraise à l'antique fera sur son esprit un effet admirable. Mais surtout, elle sera charmée de votre autre chose, attachée au pourpoint avec des aiguillettes. Mmh. C'est pour la rendre folle de vous. Un amant aiguité sera pour elle un ragoût merveilleux. Oui, certes, tu me ravis de me dire cela. En vérité, monsieur, ce procès m'est d'une conséquence tout à fait grande. Je suis ruinée si je le paie. Et quelques petites assistances me rétabliraient mes affaires. Je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était à m'entendre parler de vous. La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités. Et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Tu m'as fait grand plaisir, Frosine, et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Cela me remettra sur pied, je vous en serai éternellement obligé. Adieu, je vais acheter mes dépêches. Je vous assure, monsieur, que vous ne sauriez jamais me soulager dans un plus grand besoin. Je mettrai ordre que mon carrosse soit tout prêt pour vous mener à la foire. Apporte une réponse si je ne m'y voyais forcée par la nécessité. Et j'aurai soin qu'on soupe de bonheur pour ne vous point faire malade. Ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Vous ne sauriez croire, monsieur, le plaisir. Adieu, je m'en vais. Voilà qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt. Jusqu'à tantôt. La chèvre te sert, chien de vilain, à tous les diables.